Merci de m'avoir mis Indochine, c'est gentil. Ce métronome, il me casse les couilles, pas vous ? Thank you. synthé.